Ok. Un. C'est. Oh. Il neige dans mon paradis. Comme en décembre, Lascar dans le hit paradis, faut le descendre. C'est vrai, tu pas ce genre de mec qu'il voudrait pour gendre. Je viens chanter la pute de haine que mon succès engendre. Il demande pourquoi je rappe sévère, de l'or sur la poitrine. Pourquoi je t'écris misère et peine sur la platine. Que je crève si je baratine. Mec, c'est à peine s'ils me disent pourquoi je crise maintenant que je pèse dans ce putain de rap biz. Frappe biz, la tête fait pas de bisous. Jet, c'est du showbiz, négo, rien à foutre les bijoux. C'est pas que j'aime pas, on veut tous briller, avoir notre place au soleil. Et plus jamais tendre l'autre joue. Tant qu'il y aura des comptes, Mac au pouvoir, y aura des tas de comptes à régler. C'est pas des blagues que je raconte. Tu m'entendras beugler, nique l'état, honte à la France. Espèce la morale, même avec 100 barres dans mon compte. C'est pas le ghetto qui fait l'homme, c'est l'inverse. Il serait toujours le même enfoiré, même loin du béton. J'emmerde les modes. J'emmerde les modes. Je suis blanc. Rien à foutre des stars. Fais pas de blanc blanc, je reste dans le vrai. Fais-moi baiser le piste. Au moins pour les PD qui disent que je dors. Et de ce côté on veut les disques durs qui font les disques d'or. Que des grosses tubes et des grosses pubs qui font des gros tubes. Je veux juste croquer pour qu'on voit mon gros cul sur le gros cul. Dur de sentir l'odeur des putes qui s'arrêtent plus de mentir. Laisse-moi tout seul. Si je suis foutu, pourquoi veux-tu que je mentir? Pour lui, pour toi, pour l'osmanza, c'est pour finir. Pourquoi je veux des pétards? Des tasses qui pètent et qui se pétent. Pour moi, faut s'écarter pour les tarter et en faire taire 30 tous en péril. Dès que j'atterris, terrible, la terre tranche. Je suis là pour ça, pour éviter de passer inaperçu. Et c'est pour ceux qui veulent percer, même quand c'est mal perçu. Je suis dans le réseau, mais comme je suis pas résa, je me résigne. Plutôt crapper, je préfère appeler ceux qui veulent ma résine. Essaie de comprendre, tout le monde a faim, c'est pire qu'en Somalie. J'y suis pour rien, tout est de leur faute, y'a trop d'anomalies. Avec 10 rues, mes pères et plaques, on bloque la dream team. Je suis le challenger qui te met des patates avant le ring. Que des zombies, c'est la zombie, je crois que t'as pas compris. Je te fais comprendre, on fait ce qu'on peut et c'est pour ça qu'on prie. Pas d'opéra, je suis opérationnel donc obéis. Je dirais victoire quand j'enfilerai cette putain d'Ophélie. C'est pour les vrais et pour les frères et ceux qui sont déjà dead. Et c'est pour ça qu'il faut se pousser 100% Benjamin. J'emmerde les modes. J'emmerde les modes. Fils, je suis blanc. Rien à foutre des stars. Fais pas de blanc blanc, je reste dans le vrai. J'ai dit à maman, je faisais le rap. Ma vie c'est rat, ça sent pas une blague. On me donne un micro, je déchire cash. Ça fait pas bouffer ma petite, donc faut pas. Je pars de la maison pour des blagues. Je rappe déjà pour des potes et 4 gens en plus. Je déchire, qu'est-ce que je peux faire de plus? Pour l'avenir, j'ai la foi, pas l'astuce. Un stylo et plein de shit. C'est putain de shit, celui qui ralentit l'attaque du Brinks. Je viens de là où les gosses débrouillent. J'ai la rime fripouille, borgne l'œil de lynx. Je suis pas encore sorti, dans ma tête trop d'ortie. Ces jours-ci, trop d'outils de guerre dans mes textes, oublie le test. Au micro posé comme ça, c'est quand la rachourie, j'arrache tout pire. J'ai les vibes de speak, leur industrie. Évidemment, au passage, j'ai un tu, un, deux, trois. Vite fait, discret. Finalement, short pas de l'ombre, je noircis le paysage. Puisque on a les micros linopinels. Des gens trop cyniques pour être au ciné. Et un rap cruel, comme notre public cruel. J'emmerde.